Bonsoir, bonsoir, c'est Prog à part, l'émission du rock progressif. We'll be right back. black clouds moving grace guided thunder kinetic sunrise fever and flood far and water element angle rise melt hommage à Alan Holdsworth avec un large extrait de UK, leur premier album intitulé UK, très sobrement, sorti en 78. Le bonhomme nous a quittés le mois dernier après avoir joué notamment dans Soft Machine, notamment dans Gong, avec Jean-Luc Ponty et avoir créé donc UK. On continue dans les choses british avec une petite pépite que je vous ai rapportée de la perfide Albion. Allez, j'en pense pas un mot, mais c'est le cliché. Strobes, c'est un groupe que j'aime beaucoup avec David Cousin et qui a une voix très proche de Peter Gabriel. Un album très très peu distribué par chez nous, c'est presque une autoproduction, The Broken Hearted Bride. Ça date de 2008 et vous allez voir, c'est superbe. His song of lament bears a harrowing tune. There are dreams to be treasured when moments arise through Aphrodite's eyes. She was born on the blood of the foam on the sea, instilled with the grace of a flowering tree. He appeared as a saint, but she read his disguise through Aphrodite's eyes. They lay in the sun, and the cypress trees signal the battle was won. Nurtured by truth, she considered

dog and pony show. Your arrogant lies and your greed. The beach went to Devonport. The houses went to the sea. Your band of scrubs and their dredging boats rocked the shingle from under our feet. And our beach went to Devonport. Touched by the passage of time. Qu'est-ce que c'est bien, c'est British. Ça s'appelle, prenez un papier, un crayon, Capré Cars. Constante, je prononce exprès à la française. Capré Cars. Constant, Capré Cars, K-A-P-R-E, K-A-R, apostrophe S, et constant comme constant, constant, C-O-N, S-T-A-N-T. Ça, c'est le nom du groupe. Et le titre de leur album, Fate Outsmarts Desire. Fate Outsmarts Desire. C'est British, ça sent dans la musique. Hein. Les bougres ont dû écouter Genesis quand ils étaient mômes. Et c'est, ma foi, très très bien. On continue encore avec des nouveautés britanniques, avec un groupe intitulé Kinky Wizards. Kinky Wizards, les sorciers. Et un album qui s'intitule Quirky Musings. Quirky Musings, voilà, c'est aussi de 2017, c'est également britannique, et c'est sur Progapar, bien sûr. Dimanche soir, on a tous eu peur que l'on marque un coda à la fin de la démocratie en France. Ouf, nous respirons. Coda, eh bien, le groupe français, ils sont de retour avec un deuxième album intitulé Élément 2. Et vous allez voir, c'est vraiment très, très, très bien. Moi, j'ai beaucoup aimé. Bon, je serais peut-être un petit peu plus réservé sur les vocaux et les paroles, mais l'ensemble est de très haute tenue. Tout de suite, sur le 100.7 et Prog à part, Coda et leur nouvel album Élément 2. Coda, élément de deuxième album de ce groupe français qui n'est pas sans rappeler King Crimson et Atoll. Moi, je trouve ça superbe. On va partir de l'autre côté des Alpes, du côté de nos amis italiens, pour écouter une petite nouveauté, un jeune groupe avec une chanteuse. Ce groupe s'intitule Plurima Mundi, Plurima Mundi, et leur premier album, Percorsi, Percorsi, Plurima Mundi. Voilà, c'est frais, c'est romantique, et c'est une petite dédicace pour ma petite Anne-Laure, qui est ma filleule et qui m'écoute ce soir. Plurima Mundi. Prima Mundi sur le 100.7 Progapar, jeune groupe italien qui rappelle fortement par son violon Covered Air. On reste en Italie avec cette fois-ci une formation intitulée Cantina Sociale. Cantina Sociale, ça c'est le nom du groupe, le nom de leur album Chaosfera. Chaosfera. Et vous allez voir, c'est aussi très très très très intéressant. Le jour où commence notre récit, tout n'est que paix et silence dans le courageux petit village gaulois. Dunker ! Sol, 100.7. Quelques news, il est temps. Ceux qui ont raté le festival de progressistes en Belgique à Soigny le 22 et 23 avril, c'est mon cas d'ailleurs, ont raté des belles choses puisqu'il y avait entre autres Gong, I.O. Earth, Focus et Richard Pinas. Rien que ça. Eh bien, ils vont pouvoir quand même se consoler, se rattraper, se régaler avec le festival Prog Sud qui arrive, le voici qui le voilà. Le Prog Sud, ça a lieu au nord de Marseille, au Pen Mirabeau. Nord de Marseille, c'est quand ? C'est le jeudi 25 mai, le vendredi 26 mai et le samedi 27 mai. C'est qui ? Eh bien, vous aurez notamment, je dis bien notamment, le jeudi 25 mai, Carfagen. Carfagen, souvenez-vous, je les ai passés lors de la dernière émission. C'est un groupe d'Ukraine. Ensuite, le vendredi 26 mai, vous aurez notamment, puisqu'il y a à chaque fois trois groupes, JPL, Jean-Pierre Louveton, le guitariste Hero de Nemo, et Sylvan, les Allemands, qui sont de retour pour notre plus grand plaisir. Ça, c'est le vendredi. Et on termine en beauté le samedi 27 avec, notamment, il y a trois groupes, j'ai noté, Akiko's Cosmos Space, c'est japonais et c'est annoncé avec tambour et trompette, il paraît que c'est superbe. Akiko's Cosmos Space, et voilà pourquoi je vous disais, vous pourrez vous rattraper si vous avez raté le festival de Soigny Progressiste. I.O. Earth, les Britanniques seront là donc au Prog Sud. Foncez, foncez, j'y serai avec mes magazines, ma petite boutique et mon sourire et mon enthousiasme pour le progressif. Voilà donc Cantina Sociale, vous avez pu sentir cette influence tout à fait bienvenue de King Crimson. On part cette fois-ci en Pologne avec un groupe qui a un nom à rallonge, accrochez-vous, Sounds Like the End of the World, ça sonne comme la fin du monde. Et le titre de l'album, eh bien, c'est Stories, tout de suite sur Prog à part. Thank you. Sounds Like the End of the World, un groupe polonais très noir, très sombre, qui correspond certainement à l'atmosphère qui règne actuellement dans ce pays, atmosphère à laquelle, heureusement, on a échappé. Si vous êtes coincé dans les bouchons car vous êtes de retour après ce long week-end, eh bien, je vous propose de passer un petit coup de fil et vous pourrez gagner, donc les trois premiers gagneront une compilation de Progressive qui vous sera envoyée directement chez vous. Le but, c'est tout simplement de téléphoner et puis d'être dans, parmi les trois premiers. Attention, vous n'appelez que lorsque le morceau suivant aura commencé, seulement pendant la musique. Le numéro de téléphone, prenez un papier, un crayon ou un crayon et un papier si vous préférez. 04 78 51 16 85. Je recommence. 04 78 51 16 85. Attention, la musique démarre et c'est Seasides, Where Now, et c'est un groupe britannique de 2017. Your own spin cycle, the washing machine, and turn around with the same routine. The picture's hazy, you've lost the dream. Press the button to change the scene. Tomorrow's eyes, all you are. don't play that way. We are now. Thank you. Très bien, ce Seaside, c'est Sides, c'est plus loin Sides, We Are Now, British 2007. On continue et on va très très loin en Amérique latine, en Amérique du Sud, pour écouter deux productions de chez Milodon. Milodon, c'est un ami, Julian, qui m'a envoyé ça. On se connaît depuis très très longtemps et il m'a proposé deux nouveautés de son catalogue, Taurus et Trio. Taurus, tout d'abord, ça n'a rien à voir avec le groupe hollandais que vous connaissez peut-être, des années 70. Non, là, c'est tout récent, c'est du Chili. Ça date de 2014, un album qui s'intitule Opus 4, sous-titre Élévation, Opus 4, Elevations, Taurus. Et je vous propose deux morceaux enchaînés de cet album du Chili, Taurus, tout de suite. Et n'oubliez pas, vous pouvez toujours appeler pour gagner les compilations de prog. Il y en a déjà une qui est partie, il reste encore deux. Il suffit d'appeler au 04 78 51 16 85, moins vite. 04 78 51 16 85. Thank you. Chorus, opus 4, Elevation, c'est ma foi fort bien, très agréable. Ça vient du Chili, ça date de 2014 sur le label Milodon. Le même label et un an plus tard publiait un album de trio TRYO intitulé Orbitas. C'est donc du Chili, ça date de 2015. Vous allez voir aussi que c'est de très bonne facture. Tout de suite, trio. superbe trio TRYO Orbita, ça date de 2005, ça vient du Chili. Je pense que très humblement, j'ai pu vous démontrer, en tout cas ce que me disait Michel à l'instant au téléphone, la vivacité du prog et sa variété. On s'est baladé un petit peu partout, l'Angleterre, mais pas que, la France, l'Italie, la Pologne, le Chili, et on va revenir en Angleterre avec une petite surprise apporté par notre ami Michel, voilà, lequel m'a passé le dernier numéro de Rolling Stone, le magazine, avec une interview fleuve de Roger Waters, je vous présente pas, et un édito sur le prog, ma foi, fort sympathique. Voilà pour une très rapide revue de presse. Avant de vous passer le Steve Hackett, je vous donne rendez-vous le lundi 5 juin. Ce sera donc après le Prog Sud, qui a lieu le 25, 26 et 27 mai, au Pen Mirabeau, c'est au nord de Marseille. Et donc j'y serai et je vous invite chaleureusement à assister à ce festival vraiment fabuleux. Donc, le 5 juin, ce sera l'émission de juin, l'émission avec donc des nouveautés. Et également, j'aurais mis avant, vous pourrez trouver sur le site d'Acid Dragon, puisque Prog à part, je vous le répète à chaque fois, c'est la version sonore d'Acid Dragon, le magazine, le fanzine de Prog. Et bien, sur son site, Acid Dragon, vous cliquez Prog à part et vous trouverez le podcast de cette émission. Le podcast et également d'autres podcasts des émissions antérieures. Tout ça en qualité haute qualité, HQ comme on dit, en très haute qualité. Voilà, un homme de qualité tout de suite, Steve Hackett, on ne le présente plus. Prêté par un homme de qualité également, l'ami Michel. Le dernier album de Steve qui s'intitule The Night Siren, la sirène de la nuit. Et c'est elle qui va venir me chercher pour que je rentre dans ma maison. The Night Siren tout de suite. Behind the smoke is black, there is no turning back. Our souls are burning on the stone. The road ahead is steep, there is no time to weep. We've come this way so far from home. Out of reach, we meet our future. La boucle est bouclée. On a commencé avec un fabuleux guitariste, on termine avec un fabuleux guitariste. Voilà, ainsi s'achève Prog à part, émission de mai. Je vous donne rendez-vous au mois de juin, le 5. Ce sera de 20h30 à 22h30. D'ici là, tenez tati et suivant l'expression bien lyonnaise, à que la prochaine. C'était Prog à part, une émission proposée, réalisée par Thierry Sportouche. Salut, salut !